Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Victor et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Éclat de lumière du mois de mai 2026. Une émission placée sous le signe du soleil, des sorties en terrasse, des balades et des rendez-vous culturels au cœur de l'ancienne capitale des Ducs de Lorraine. Puisque nous avons la chance de recevoir ce mois-ci Vincent, directeur adjoint du pôle Office de tourisme métropolitain du Grand Nancy, qui va nous accompagner durant cette heure afin d'évoquer avec nous les grands rendez-vous nancéens de ce printemps et de cet été. Bonjour Vincent. Bonjour. Avec moi donc Nuncia, comme d'habitude désormais nous avons coécrit cette émission, chroniqueuse et rédactrice chez Lumière en Art. Vous l'avez déjà entendu le mois dernier lors de notre émission spéciale sur le prix Frontières de l'université l'université de Lorraine, pardon. Bonjour Nuncia. Bonjour Victor. Enfin, comme à son habitude, il viendra nous présenter les grands rendez-vous et l'agenda de Lumière, c'est notre indéboulonnable Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et avec nous, enfin, vous l'avez déjà entendu en tant qu'artiste peintre dans cette émission. Cette fois-ci, il est là en tant que chroniqueur pour poser quelques questions et prendre quelques renseignements sur ce qui va se passer à Nancy cet été. Bonjour Jean-François. Bonjour Victor. Je vous rappelle que vous pouvez écouter, réécouter cette émission sur le site de Fadjet, en podcast, mais aussi, et comme toujours, sur les réseaux sociaux de Lumière en Art, les deux pages Facebook, Lumière en Art officiel, et sur le site officiel, vous avez juste à taper Lumière en Art dans votre moteur de recherche. Pour commencer cette émission, on va commencer par, comme d'habitude, le spectre des invités. C'est l'heure du spectre des invités. C'est le moment d'en apprendre un petit peu plus sur notre invité du jour, à savoir Vincent. Alors je commence très simplement. Vincent, nom, prénom ? Vincent Dubois. Quelle est votre profession ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment vous en êtes arrivé à occuper ce poste important à Nancy ? Bien, j'ai la joie et le plaisir de travailler à l'Office de tourisme donc de Destination Nancy depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc j'ai pu voir beaucoup d'évolutions dans la ville, j'ai pu évoluer moi-même au sein de cette belle structure. Donc aujourd'hui je suis directeur adjoint, je suis en charge des dossiers liés à la communication, au marketing. Donc j'ai cette chance, ce plaisir de pouvoir vraiment travailler concrètement sur les projets de développement touristique, qu'il s'agisse de projets en lien avec l'actualité. Là on a une année autour de l'Art Nouveau par exemple, de travailler avec des projets à plus long terme comme le développement du cyclotourisme ou du fluvial à venir. C'est très éclectique et ça me correspond bien, ça me permet de passer d'un dossier à l'autre, de passer de compétences à d'autres, et c'est vraiment un réel plaisir d'assurer ces fonctions. Et alors question peut-être un petit peu personnelle, mais comment est-ce qu'on en arrive là finalement à travailler dans le tourisme ? Comment est-ce que ça vient comme ça ? Quelles sont les études, le parcours, etc. Eh bien moi j'ai mis un petit peu de temps à trouver ma voie. Je savais que je voulais utiliser les langues étrangères. J'aime les langues étrangères, j'aime à la fois la langue en soi, mais également toute la culture des pays qui vont avec. Et voilà, c'était un souhait de travailler avec les langues étrangères. Donc c'était mon parcours universitaire qui m'a amené à l'étranger, notamment en Allemagne. Et puis j'ai fini mes études à Metz, en Lorraine, puisque je ne suis pas originaire de la région. Donc c'est ainsi que je suis arrivé en Lorraine par le biais de mes études. Et puis par le biais de rencontres, on m'a dit que voilà, on cherchait des gens qui parlaient allemand à l'Office du tourisme à Nancy. Et maîtrisant la langue, ben j'ai profité de l'occasion et voilà, et tout s'est fait petit à petit. J'ai commencé à l'accueil. Et puis mon goût pour l'histoire, pour le patrimoine, et puis par le biais d'un stage que j'avais fait également dans le passé, m'ont amené à concourir pour obtenir la carte professionnelle de guide conférencier. Donc j'ai pu également exercer cette très belle activité, ce beau métier de guide. Et puis voilà, des opportunités qui m'ont ensuite permis d'évoluer, de travailler sur d'autres compétences, notamment le marketing et la communication. Voilà, donc c'était pas un projet qui était vraiment bien ficelé à la base, mais on évolue au fur et à mesure finalement. Voilà, on évolue au fur et à mesure. Donc si vous voulez travailler dans le tourisme en Lorraine, il faut parler allemand. C'est ça qu'il faut retenir de ce beau parcours. Est-ce que vous avez un élément d'inspiration du quotidien, ça peut être une musique, un tableau, une personne, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin pour aller travailler, vaquer à vos occupations. Je vais pas être très original, mais la place Stanislas, elle me motive tous les matins. C'est vrai que c'est quand même un très beau cadre. Je vois les chroniqueurs qui acquiescent autour de la table. C'est très beau cadre de vie. Cette chance que ce soit mon cadre de travail, de l'avoir tous les jours, sous tous les temps, toutes les couleurs, tous les moments de la journée. C'est pas seulement un lieu qui est beau à Nancy, en fait. C'est vrai que c'est une place magnifique, c'est une place royale, avec ses dorures, avec tous ses symboles, et avec cette majesté, cette élégance. Mais c'est aussi un lieu qui vit. Et en fait, quand on est place Stan, finalement, c'est un peu un thermomètre, quelque part. On ressent un peu l'ambiance du moment, l'ambiance de la ville. S'il y a quelque chose qui se passe, ça va forcément moins un autre passer par la place Stanislas. Voilà, c'est un lieu vivant. Et des monuments, finalement, qui sont aussi vivants, il n'y en a pas tant que ça, finalement. C'est pas quelque chose qui est figé dans la ville. C'est vivant, ça bouge. C'est un aperçu de la population nancéenne et autres, tous les jours, finalement. Tous les jours. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, je parle réseaux sociaux personnels, si vous souhaitez les partager, si vous en avez, mais aussi et surtout réseaux sociaux, sites internet liés à l'Office du tourisme de Nancy ou autre. C'est un petit peu le moment de faire votre pub et de savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver et retrouver tous les événements dont on va parler dans la suite de l'émission. Alors, quand on travaille pour un secteur touristique, on est forcément présent via la communication digitale, donc un site internet, destination-nancy.com, des réseaux sociaux, donc à la fois Facebook, Instagram, YouTube et puis LinkedIn également. Donc moi, on me retrouve également sur mon compte professionnel de LinkedIn, où j'aime aussi partager l'actualité et partager ce qui fait la richesse de notre territoire, valoriser les actions que nous menons également au quotidien pour faire que Nancy mérite sa place de belle ville touristique dans l'est de la France. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On va poursuivre un petit peu plus loin, donc savoir un petit peu ce qui va se passer cet été dans une deuxième partie d'émission et tous les beaux événements qui vont avoir lieu à Nancy dans les semaines, dans les mois à venir. Mais on va se laisser avec un premier morceau playlist que vous avez sélectionné donc pour ce mois-ci. C'est un morceau de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous donner le titre et nous expliquer pourquoi nous allons l'entendre dans un instant? Alors, j'ai choisi Jean-Jacques Goldman tout d'abord parce que c'est un peu mon enfance, hein, les parents qui écoutent, et les années 80, forcément, il faisait partie des artistes incontournables, et j'ai toujours aimé ses chansons, ses musiques, et puis un peu plus mûr, on va dire, l'adolescence, l'âge adulte, on se penche un peu plus sur les textes, et ce que j'aime chez cet artiste, là pour moi, Jean-Jacques Goldman, c'est un vrai travail de sociologie derrière, en fait, il fait des coups de projecteur en fait sur des faits de société, sur des comportements, parfois des choses aussi très très banales. Je pense la chanson Nos mains, ça m'a fait réaliser que finalement, selon qu'on regardait l'intérieur ou le revers de la main, en fait, un côté plus violent, un côté plus chaleureux. C'est pas la chanson que j'ai choisi Sache que, parce que là aussi c'est une chanson qui dans mon adolescence, m'avait interpellé. Cette chanson, finalement, Sache que, il explique en fait qu'on ne doit pas dire je t'aime parce que il y a quelque chose de malsain. En fait, quand on dit je t'aime à quelqu'un, on l'oblige presque à répondre je t'aime. Et j'ai trouvé ça m'avait perturbé à l'époque et j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion. Et puis bon, musicalement, c'est une chanson aussi qui j'apprécie, qui me touche. Voilà, merci. Et on va écouter ça tout de suite. On se retrouve dans un instant avec Vincent Dubois sur Fadjet pour parler des événements de Nancéens. À tout de suite. Moi, les mots ne servent à rien. te faut des phrases en otage. Comme un saut sur un parchemin. Alors sache que je sache-le. Sache que je lis à mourir dans je t'aime. Il y a je ne vois plus que toi. Ces poèmes, ne plus lire que ces rimes à soi. Un malhonnête stratagème, ces trois mots-là n'affirment pas. Il y a une question, non, je t'aime. Demande même tu, toi. Alors sache que je sache-le. Sache que de retour sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de lumière du mois de mai où on est avec Vincent Dubois pour évoquer un petit peu les différentes sorties et les événements culturels de Nancy et de la métropole de Nancy durant les prochains mois. Et on va commencer tout de suite un peu en rentrant dans le vif du sujet, puisqu'avec le retour des beaux jours, du soleil, ça va être aussi le moment de se balader, de se promener. Et pour cela, donc, 21 parcours de randonnée ont été prévus dans la métropole du Grand Nancy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces parcours de randonnée? Que pourra-t-on finalement trouver sur ces chemins où se balader à Nancy? Mais on a la chance de vivre sur un territoire qui est extrêmement divers, alors que finalement le territoire de la métropole n'est pas si vaste que cela. Et on n'a pas forcément besoin d'aller faire une heure ou deux heures de route pour aller se balader dans la nature ou d'aller se balader tout court. Avec la Fédération française de randonnée, la métropole a mis en place 21 parcours de randonnée Chaque parcours a pour point de départ un arrêt de bus, donc on peut, sans voiture, on peut prendre les transports en commun, je rappelle qu'ils sont gratuits tous les week-ends, et puis choisir parmi l'une des 5 thématiques qui ont été établies. Il y a des balades aquatiques, en général le long du canal ou de la Meurthe, plutôt à l'est. Il y a des balades nature en ville, qui va passer surtout par les parcs. Entre ville et campagne, là à l'est du territoire, vers Séchamps, Saulsur, où on est effectivement un peu dans un entre-deux. On a également coteaux et forêts, où là, finalement, on a l'impression vraiment d'être loin de la ville. On est en plein cœur de forêt, hein. Les coteaux sont bordés de forêts. Et puis, histoire de patrimoine, parce qu'effectivement, le patrimoine est riche. Beaucoup de châteaux, notamment, des bâtiments plus inattendus. Je pense notamment à la Douéra, à Malzéville, par exemple. Donc, finalement, on a des parcours avec des difficultés, d'un niveau de difficulté qui reste quand même accessible à tous, même si sur les coteaux, ça grimpe un petit peu plus, avec des thématiques qui peuvent convenir à chacun, donc il y a vraiment un éclectisme qui peut finalement satisfaire tous les goûts. C'est impressionnant quand même quand on voit toutes les thématiques, la diversité du paysage de Nancy et de la métropole. Alors, vous savez qu'on aime bien les recommandations chez Lumière. Y a-t-il une petite balade que vous souhaiteriez recommander, un petit coup de cœur personnel pour nos auditeurs, celle qui, selon vous, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, faut absolument aller la faire? Alors, moi j'aime bien les beaux points de vue, donc je privilégie les parcours qui permettent d'aller sur les coteaux et d'aller vers les hauteurs. Et je pense notamment à celle qui traverse Villers qui est la ville aux 7 châteaux. Hein. On ne le sait pas toujours, mais il y a un patrimoine extrêmement riche. Et puis on arrive dans le parc de Brabois, là, qui surplombe la métropole, on surplombe le jardin botanique. Là, quand on arrive en haut, ben on se pose, on est content, on a un beau point de vue, c'est une belle récompense. On peut, en plus, si on veut, prolonger un peu le plaisir, notamment avec le jardin botanique, avec le château de Brabois, et on peut également prendre un verre, tout simplement. Voilà, je le répète, il n'y a pas besoin d'aller loin, on a tellement de richesses ici. Donc profitez-en, sautez dans le bus et allez découvrir ces 21 parcours de randonnée. Et beaucoup de possibilités différentes sur ces parcours de randonnée, visiblement. Alors, quand on pense à Nancy, on pense également à l'Art Nouveau. Et une petite balade est prévue justement pour découvrir cela. Quelles sont les étapes de cette balade et les visites guidées qui seront prévues sur ce sujet? Alors, l'Art Nouveau est au cœur de l'offre touristique. C'est une singularité. Quand on veut s'intéresser à l'Art Nouveau en France, c'est annoncé qu'il faut venir. On la considère comme la capitale française de l'Art Nouveau. Donc, nous proposons différentes visites guidées. Elles sont proposées tous les samedis matin. Voilà. Et puis, pendant les mois de juillet-août, c'est complété par une autre visite Art Nouveau le jeudi. Donc, on a 4-5 parcours, en fait, qui permettent là aussi de découvrir l'ampleur de ce patrimoine. On a un circuit en centre-ville, l'Art Nouveau en centre-ville, un circuit qui part de l'Excelsior qui va jusqu'à la Villa Majorelle. On a également un circuit autour de Nancy Thermale et puis le parc de Serupt qui est également un très beau quartier qui là aussi permet de découvrir à la fois l'Art Nouveau mais aussi l'Art Déco qui est la continuité et l'évolution de l'Art Nouveau. Et sans oublier également un lieu peut-être moins lié à l'Art Nouveau, enfin de spontanément comme ça, c'est le cimetière de Préville avec à la fois des tombes d'illustres membres de l'école de Nancy, je pense à Galé Majorelle, mais c'est aussi là où on trouve le magnifique tombeau de style Art Nouveau de la famille Corbin. Voilà, donc c'est aussi un lieu, ce cimetière de Préville, que l'on peut visiter. On a parlé ces dernières minutes de balade et de se rendre à pied, mais ça n'est pas tout pour se balader à Nancy. Il y a aussi des choses pour les adeptes de vélo, et notamment le cyclotourisme. On sait qu'il y a à Nancy 2 véloroutes européennes, alors qu'est-il prévu justement à cet égard, et pour ceux qui préféreraient se balader en 2 roues plutôt que de se balader à pied finalement? Bien effectivement, on a le choix puisque Nancy est au carrefour de 2 véloroutes européennes. L'axe nord-sud hein, qui relie Luxembourg à Lyon qui fait 700 km. Et puis l'axe est-ouest, hein, Paris, Nancy, Strasbourg, on peut même aller jusqu'à Prague. Et voilà, à la confluence, au carrefour de ces 2 véloroutes, se trouve la boucle de la Moselle. C'est une des rares boucles cyclotouristiques. Elle fait 80 km. Donc là, une fois de plus, on peut partir de Nancy, faire ces 80 km et puis revenir au point de départ, sachant qu'on n'est pas obligé de faire les 80 km d'un coup. On peut aussi faire une partie et revenir en TER, et les TER sont adaptés pour transporter son vélo pour le retour. Donc là aussi, c'est adapté finalement à différentes pratiques, que ce soit des sportifs qui ont envie vraiment de se défouler, de se dépenser. On peut faire 100, 200 km dans la journée. Et puis, si on préfère être plus tranquille en mode balade, on va se poser, visiter. Là aussi, la boucle de la Moselle est bien adaptée, puisque sur cette boucle, sur ces 80 km, il y a plein de choses à découvrir. C'est un concentré de Lorraine, du patrimoine religieux, militaire, gourmand, naturel également, bien entendu, la cathédrale de Toul, la mine de Neuve-Maison, donc c'est très éclectique là aussi. Donc voilà, on arrive à satisfaire finalement tous les goûts. Quoi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, maintenant. Hein. Il suffit juste de prendre ou son vélo ou y aller à pied et vous avez énormément donc, de parcours différents. Et pour finir un petit peu cette thématique de balade, de déplacement à Nancy et autour de Nancy dans la région, on sait qu'il y a une application qui permet de mélanger la culture et la balade qui s'appelle Baludic. Alors forcément, ça m'a interpellé et j'aimerais en savoir plus parce que je vais la télécharger et on va tous aller tester cette application durant l'été. Alors qu'est-ce que cette application et que permet-elle ? Alors tout d'abord, elle est gratuite, ça c'est déjà oui, un premier déjà point un très intéressant. Bon point à préciser. On la télécharge gratuitement, c'est une application qui est développée au niveau national, donc on trouve des parcours hein, dans les quatre coins de France, si je puis dire. Et donc sur notre territoire, on a plus d'une vingtaine de parcours, où on va retrouver des parcours classiques, centre historique de Nancy, l'Art Nouveau, mais également la plupart des communes de la métropole, des espaces verts également. On a un parcours baludique au parc de Brabois, par exemple. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir 6, 7, 8, voire une dizaine d'étapes que l'on fait. C'est bien, c'est ludique, hein, comme son nom l'indique, donc c'est fait pour être fait en famille, en groupe, entre amis. Et voilà, il y a des petites missions, des petites énigmes. L'idée, voilà, c'est d'apprendre en s'amusant, donc de donner un côté plus léger, on va dire, à la découverte. Voilà, donc on s'efforce, en tout cas, à destination de Nancy, de proposer différents types de supports pour découvrir les visites guidées classiques, les balades à vélo, les balades gourmandes, les baludiques, des applications. On a également des supports papier, hein, des rallyes que l'on peut découvrir à l'Office du Tourisme. Donc, on essaye d'être éclectique dans notre offre pour s'adapter à tous. Merci beaucoup pour ces informations. On va revenir sur un certain nombre d'autres points. Je crois notamment, Jean-François, que tu voulais parler du Love Tour, si je ne dis pas de bêtises. Oui, une question sur le Love Tour. Alors, Je t'aime, moi, Nancy. Une nouveauté, la marque Je t'aime, moi, Nancy, qui veut positionner la ville comme une destination romantique. Alors, pouvez-vous nous expliquer le concept et en quoi consiste Love Tour ? Alors, Je t'aime, moi, Nancy, tout d'abord, c'est une marque que nous avons développée l'année dernière et lancée et qui continue à se nourrir de nouveaux contenus. Il s'agit en fait de positionner Nancy comme une destination romantique parce que bon, c'est vrai que Nancy nous accueille beaucoup de clientèle étrangère et la France c'est le pays de l'amour, du romantisme, mais il n'y a pas que Paris non plus. C'est on va dire un créneau pour se positionner d'un point de vue marketing, mais c'est loin d'être creux derrière puisque justement en creusant, en cherchant, on a passé une année à aller chercher plein d'histoires, plein d'anecdotes en lien avec l'amour. Donc il y a des choses très connues hein, qui peuvent être liées à Stanislas, l'hôtel de Craon, place de la Carrière, des lieux romantiques à la Pépinière, la Roseraie, etc. Mais aussi des choses beaucoup beaucoup moins connues. On a redécouvert Léon Tonnelier, qui est un poète originaire de l'Axou, qui a beaucoup écrit sur le sujet. On a pu également découvrir que la Statue de la Liberté aurait peut-être été inspirée par une Nancéienne que le sculpteur Bartholdi aurait rencontré à Nancy. Et donc finalement, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de tout cela. Et on a eu l'idée de les positionner sur une carte et finalement, on arrive à disséminer le territoire de la métropole avec toutes ces histoires. Donc il suffit d'aller sur notre site internet, de taper Love Tour dans le moteur de recherche, on va retrouver sur cette page, on a une carte avec plein de petits cœurs et à chaque fois que l'on clique sur un cœur, et bien on a une fenêtre qui s'affiche et qui va raconter cette histoire en lien avec l'amour à Nancy. Donc totalement accessible via Destination Nancy, c'est ça ? Tout à fait, okay, exactement, destination-nancy.com. Encore une occasion de balade et de découverte. Autre sujet très important, Nuncia, la Foire Expo qui revient cette année. Oui, la Foire Expo. Alors, je voulais juste rebondir sur le Love Tour et souligner quand même tout le champ lexical autour de l'amour qu'il y a eu sur le Love Tour. Là, vous disiez que sur le Destination Nancy, on peut trouver toutes les informations, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors, j'ai lu une phrase Vous dites « Nancy n'a pas attendu Tinder pour faire chavirer les cœurs ». Alors moi, je suis fan. Bien, Nancy ne juge pas, Nancy embrasse. Donc voilà, je tenais juste à saluer ça et féliciter tout l'esprit marketing. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a voulu donner une dimension aussi un peu inclusive à l'amour. Et on parle aussi de « be my guest hein, ». « Be my guest », »,« guest » en anglais, c'est l'invité. Mais avec « G-A-Y-S-T », on a réussi à faire un jeu de mots. Donc, pour montrer que voilà, justement, l'amour n'avait pas de frontières à Nancy et que tous les amours étaient tolérés. C'était possible. Très bien. Alors, pardonnez-moi pour ma voix. Vous pouvez l'entendre, elle est un petit peu cassée hein, vu le temps à l'extérieur. On va parler de la Foire Expo, qui est donc l'un des rendez-vous incontournables de Nancy. Je crois qu'on a la 80e édition cette année, c'est ça ? 90e. Oui. 90e édition, donc on est déjà très très loin. Mmh. La Foire Expo revient cette année du 6 au 14 juin. C'est un événement qui attire cette année plus de 10 000 visiteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails là-dessus ? Bien entendu, la Foire Expo, voilà, c'est un nombre extrêmement important d'événements dans l'événement. C'est 9 jours d'animation. La Foire Expo, à l'origine, c'est une foire à la fois un événement commercial, mais c'est aussi un événement qui est voué à faire découvrir des innovations. Et la Foire Expo de Nancy eh bien, continue dans cette tradition. On peut venir faire du shopping et y trouver plein de produits quand on a des projets pour sa maison, des projets vestimentaires, de mobilité, d'aménagement intérieur, extérieur. Donc ça répond à tous ces besoins, mais ça va bien au-delà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, chacun là aussi va pouvoir y trouver son compte au sein de cette foire. On peut y venir passer un moment entre amis en fin de journée, parce que après 18h, en fait, on a accès à l'ensemble des espaces de restauration à l'extérieur. Et c'est vrai que d'aller prendre un verre à la Foire Expo, c'est pas forcément un réflexe, mais il y a à la fois des prestataires et des animations qui permettent de passer un très bon moment en fin de journée, avec des concerts, avec notamment les deux samedis, hein, les 6 et 13 juin, un spectacle de drone à 22h30, qui vont là aussi évoquer les 90 ans de cette Foire Expo à Nancy. Et puis, on va, pour évoquer l'innovation, justement, il y a le trophée Gustave. Donc, si vous avez des concepts innovants, des innovations, n'hésitez pas à présenter, à candidater dans le cadre de ce concours. Les familles y trouveront également leur compte, puisqu'on a une garderie pour les enfants, on a un mini parc d'attractions. Et puis, l'événement de l'année, parce que chaque année, on essaye de... il y a eu tout un nombre d'années où on avait un pays invité d'honneur. Là, on essaye un petit peu aussi d'évoluer, parce que pour proposer de nouvelles choses, cette année, eh bien, on aura la... une expérience immersive. L'idée, c'est de comprendre un petit peu comment on fait un studio, un dessin animé, un dessin de l'animation. Donc, on a une visite dans un studio pour découvrir un petit peu à la fois la partie technique, les différents métiers, toutes les compétences qui sont nécessaires pour créer un dessin animé. Et c'est vrai que c'est très instructif parce qu'on se pose toujours la question comment on fait tout ça. Et le concept de ce parcours, en fait, c'est vraiment d'être immersif et de pouvoir là aussi toucher et faire des activités qui permettent de comprendre comment on fait un film d'animation. Donc j'imagine que c'est l'un des temps forts de ce moment. Vous avez anticipé la question. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts ? Ben, des temps forts, il en a en fait quasiment tous les jours avec des... De Miss Meurthe et Moselle. Oui, ça fait partie effectivement des nombreux événements qui font qu'il y a un programme extrêmement riche. Donc l'élection de Miss Meurthe et Moselle. On a également des invités. Il y aura Élodie Gossuin, ancienne Miss France. Il y aura Margot s'est révélée avec le meilleur pâtissier. Un concert d'Oussine. Une ancienne star de la Starac également, Julien Lib. Julien Big également pour un one-man show humoriste. Donc là aussi, voilà, on a de la musique, on a des concerts, on a des one-man shows, on a une soirée cuisse géant également. Donc voilà, il y a un éclectisme dans cette programmation qui fait qu'on peut même venir plusieurs fois. D'ailleurs, il y a un pass foire. C'est 9 euros, je crois, et vous avez un accès chaque jour, en fait. Donc, l'idée, c'est que, on peut revenir chaque jour et on trouvera toujours des choses différentes à faire. Merci beaucoup pour ces nombreuses informations. On va prendre le temps un petit peu de digérer tout ça avec un morceau. Alors, cette fois-ci, c'est Mylène Farmer, Les mots. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Vincent, sur ce choix musical pour cette playlist ? Alors tout d'abord, c'est une artiste que j'apprécie pour ses différents talents, à la fois de chanteuse, de showwoman. Voilà, ses clips sont des véritables films. Voilà, on voit qu'elle a un univers et un goût de l'esthétique, du beau, qui me touche particulièrement. Un talent pour écrire également. Alors. Parfois, ça peut paraître un petit peu obscur, mais justement, cette chanson, Les mots, c'est un très beau duo d'ailleurs avec Syl. Elle a réussi aussi à faire des duos avec des stars internationales. Et donc, cette chanson, Les mots, montre justement l'importance du vocable. Je suis attaché aux mots. Les mots ont un sens précis et parfois, je me désole d'entendre que des mots sont utilisés à mauvais escient ou qu'ils ont en fait perdu de leur sens. Et voilà, cet attachement aux mots me fait aussi apprécier particulièrement cette chanson de Mylène Farmer. Alors, on l'écoute très attentivement, c'est Les mots de Mylène Farmer. On se retrouve tout de suite sur Fadjet pour la suite de l'émission. With words, so how would it feel? De retour sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de lumière du mois de mai où nous sommes avec Vincent Dubois pour parler des événements principaux qui se passent à Nancy et dans la métropole durant les prochaines semaines et les prochains mois. On va reprendre tout de suite ce petit tour des événements avec un événement Place Saint-Èvre, Jean-François. Oui, alors j'ai remarqué qu'il y avait de la nouveauté cette saison. Les visites guidées de la Basilique Saint-Èvre, pouvez-vous nous en dire plus ? Bien entendu, ce très beau monument emblématique de la ville vieille de Nancy bien, suscite un peu de frustration parce que malheureusement, elle n'est pas accessible comme la ville et comme la paroisse le souhaiterait parce que malheureusement, il y a des problèmes de vol et de qui font que l'église nécessite une présence humaine, donc les horaires sont restreints. Donc pour combler cela, ben nous avons souhaité pouvoir mettre en place des visites guidées de la basilique Saint-Èvre, ce qui existait assez peu finalement jusqu'alors. Donc voilà, redécouvrons cette belle basilique qui a vraiment une histoire aussi particulière, hein, qui remonte, bon, c'est une église assez récente, elle remonte aux années 1860, mais de par son histoire, de par son financement, de par les très beaux vitraux, pour moi un bâtiment qui est un peu le reflet de l'histoire européenne de l'époque de cette fin du 19e siècle et de l'histoire de Nancy. Avant qu'on évoque rapidement les balades gourmandes, un petit point également, parce qu'on n'en a pas encore parlé, sur le son et lumière qui aura lieu cette année, place Stanislas. Parmi d'autres événements, peut-être que vous souhaitiez évoquer. Bien entendu, on retrouvera les grands classiques hein, de chaque été, la plage des Deux Rives, les guinguettes, et bien sûr la fameuse, le fameux son lumière, la belle saison, qui sera comme les années précédentes proposée par Ave Extended, mais comme aussi ces dernières années, à chaque fois un nouveau spectacle. Donc, si vous l'avez vu l'année dernière ou il y a 2 ans, ben, vous reverrez un nouveau spectacle cette année. Donc, une bonne raison de revenir place Stanislas. Et oui, et impossible de parler de tourisme sans dire un mot sur les balades gourmandes. Je crois qu'on vous surnomme ou qu'on vous a surnommé Vincent Miam Miam. Vous avez des bonnes sources. Effectivement, ça fait partie, ouais. Je ne sais pas, de mes qualités ou de mes défauts, mais voilà, moi je suis sans gourmand doute un peu les deux. Et je l'assume en tout cas. Vous êtes enfin gourmand. Et puis on a aussi cette chance d'avoir plein de bonnes choses à déguster. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des spécialités vraiment anciennes, ancrées dans qui font partie de notre patrimoine aujourd'hui finalement, et qui ont une histoire à raconter derrière. Pourquoi la bergamote est arrivée à Nancy, pourquoi le baba au rhum, quelle est son origine. Donc nous proposons deux types de visites guidées qui s'appellent balade gourmande, une en vieille ville et une en ville neuve, qui permettent de découvrir quelques-unes de ces spécialités avec des dégustations bien entendu, parce que une balade gourmande sans goûter, ce serait vraiment trop frustrant. Donc voilà, ces parcours avec un guide donc permettent à la fois d'en découvrir plus sur leur histoire et de les déguster. Donc autour de la marque Nancy Passion Sucrée, qui valorise le savoir-faire artisanal hein, de ses partenaires, mais également de permettre aux visiteurs de trouver les bons produits. Donc Nancy Passion Sucrée, mais on a également le pendant salé, Nancy Passion Salée, autour de la quiche, du pâté lorrain, du boudin noir de Nancy, qui est peut-être moins connu que d'autres spécialités, les bouches à la reine. On a un patrimoine gourmand qui est assez large, le sucré, le salé, et nous lancerons bientôt à l'automne Nancy Passion Partagée pour évoquer les boissons et les spécialités liquides, on va dire, ces boissons qui sont aussi synonymes de convivialité, de partage, et qui viennent bien compléter le sucré et le salé. Et voilà, on a tous faim dans le studio maintenant, après avoir évoqué toutes ces spécialités. Très bien, alors votre attachement à Nancy ne fait aucun doute. Hein. Vous le disiez en début d'interview que la place Stanislas fait partie de vos coups de cœur préférés. Mais j'aimerais savoir, à titre personnel, est-ce qu'il y a un autre coup de cœur absolu ? Ce qu'il y a préféré et absolu. Elle est terrible, votre question, parce que... Il faut choisir maintenant. Faut choisir. Après tout ce qu'on a évoqué, il faut choisir. Alors, on va sortir un peu du centre-ville. Il y a un quartier où j'aime beaucoup me balader, toujours avec le même plaisir. C'est le parc de Sorut, qui est ce quartier avec ses très belles maisons Art Nouveau pour les premières construites dans ce quartier dans les années 1900, mais aussi toutes les maisons des années 20-30 dans le style Art Déco. Le soir, quand les intérieurs s'éclairent et qu'on voit ces vitraux au-dessus des portes qui s'éclairent, c'est magnifique. Voilà, donc là aussi, j'aime les balades urbaines, même si on trouve aussi dans ce quartier des espaces verts. Je pense au square Jules Dorgé qui est dans ce quartier et où on a la chance de pouvoir voir encore ce très bel ouvrage de ferronnerie, la grille qui autrefois fermait ce quartier privé qui était le parc de Surupt, hein, au niveau de la conciergerie de la rue des Brises, se trouvait une grille qui fermait ce lotissement, ce quartier, et qui a été démontée quand les rues sont devenues publiques, mais qui, il y a quelques années maintenant, a été restaurée et installée à l'entrée de ce square. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations que vous nous avez données sur Nancy. Si après ça nos auditeurs n'ont pas envie de se balader, de s'arrêter dans les commerces de Nancy, de prendre leur vélo également pour découvrir tous les itinéraires qu'on a évoqués, je ne comprends pas. Ils n'ont rien compris. On a fait tout ce qu'on a pu en tout cas. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On va maintenant passer, comme d'habitude, vous le savez, à l'agenda local de Éclat de Lumière qui va être présenté par Gilles. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Gilles, c'est à toi. Que veux-tu nous présenter ce mois-ci localement en Lorraine ? Un calendrier remarquable et fabuleux, très riche et très varié. Alors, un petit clin d'œil au temps fort du 4 juin avec la cérémonie des jokers qui va préfigurer et donner les trois coups avant la saison estivale. Alors, soirée particulière. Maintenant, vous connaissez, chers auditeurs, un peu mieux le directeur adjoint de l'Office métropolitain. Il sera nos invités d'honneur, voilà, pour ce soir-là. Et on a donné carte blanche à l'équipe de rédaction et aux membres du club par rapport à ces jokers. Et on vous réserve de belles surprises avec la présence notamment d'un metteur en scène. Et puis, il y aura le trophée gourmand. Alors, chers amis auditeurs, c'est sur invitation, le lieu ne sera pas assez grand, vous êtes de plus en plus pour accueillir tout le monde à y participer, mais voilà, ça sera très bien. Alors, actuellement, se termine, et c'est bien qu'on soit cette émission située au cœur du festival aux actes citoyens, c'était notre premier partenariat avec la ville de Tomblaine, donc une formidable dynamique avec des grandes têtes d'affiche, aussi bien Pierre Arditi, François Cluzet, Charles Torgeman comme metteur en scène, et puis Jean-Philippe Daguerre. Une programmation exceptionnelle. On est très ravis, encore une fois, d'avoir accueilli la dynamique de la fête italienne de l'inauguration, qui a été un grand moment, puisqu'on s'est retrouvés après 2000 et on était contents, voilà, d'avoir pu accompagner ce temps fort. Donc, venez voir les expositions. Il y a des choses surprenantes, l'entrée est libre à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine, et un grand bravo à Agnès, la présidente d'Aux Actes Citoyens, ainsi qu'au maire de Tomblaine, vice-président de la métropole par ailleurs, Hervé Ferron, parce que c'est la culture, l'action culturelle telle qu'on l'aime à Lumière. On s'y retrouve, voilà, avec aussi une grande partie qui a été consacrée au spectacle pour les théâtres jeunes publics. Donc c'est jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à venir, et puis surtout pour l'after et la fête finale, qui sera un grand moment dimanche vers 21h. Alors dans les autres événements, il y aura le Hi-Hi Festival, bien sûr. Cette année, nous sommes partenaires officiels de cet événement cinéma pour le Festival international du court-métrage. Ensuite, clin d'œil aux Vosges avec Épinal, avec les Imaginales, les rencontres avec les écrivains pour les littératures de l'imaginaire. Je ne filerai pas la métaphore, les auditeurs connaissent et ils savent qu'ils passeront un bon moment. Le festival Au gré du jazz, avec lequel on va collaborer très très près cette année, qui sera l'objet d'une prochaine émission. Et puis, surtout un clin d'œil au spectacle Terra Lorena, au château de Fléville de Nancy, qui sera voilà, un moment très très sympathique. Quelques informations également d'un point de vue national, peut-être, Gilles ? Oui. L'agenda national d'Éclat de Lumière. Alors, d'un point de vue national, on va se diriger vers la capitale, si je ne dis pas de bêtises, vers Paris. Voilà, et on a beaucoup de chance parce que la saison s'achève avec deux temps forts. On a notre ami qui est un des membres très actifs dans Lumière, qui est écrivain, peintre, metteur en scène, qui est souvent en Belgique, en Luxembourg, qui rayonne partout, qui va présenter la Divine Comédie d'après Dante, donc à Saint-Pierre-de-Montmartre, donc à Paris. On vous donne rendez-vous très nombreux pour cet événement récital. Il y aura des invitations nombreuses mises à disposition par le magazine, et c'est un grand moment. Et puis aussi, on n'oubliera pas Dimitra Pandora, qui est quelqu'un qui est au cœur de Lumière, qui est metteur en scène, écrivaine, et qui privilégie la culture grecque et qui va présenter, on est fiers d'avoir accompagné la réalisation de ces ateliers, puisque c'est un partenariat entre le lycée Louis-le-Grand prestigieux de Paris, Sorbonne et Panthéon, et qui va présenter ses spectacles. On a su hier qu'on aura la présence de Madame l'ambassadrice de Grèce, puisqu'on s'inscrit dans la défense un peu du théâtre grec, et y compris dans sa vision actuelle. Puis un beau projet pour cet été, mais ça encore secret pour l'instant et confidentiel. On vous dévoile juste l'idée. Nous allons, avec l'un de nos amis de Lumière, Irois Cheng, proposer des événements artistiques à des étudiants qui viennent d'Asie et notamment de Taïwan et qui vont s'initier à la culture française, à l'art de vivre, à l'histoire, aux arts. Et on espère bien en faire venir quelques-uns dans notre magnifique ville de Nancy. Merci beaucoup Gilles pour ce bel agenda bien fourni comme chaque mois. Et n'hésitez pas à faire du replay, à repasser l'émission afin de renoter toutes ces informations. Vous voyez que Lumière est très actif, y compris en dehors de la radio. On va rentrer dans la dernière partie de notre émission, cette partie qui va être dédiée maintenant, Vincent, à vos coups de cœur personnels et à ce que vous, vous préférez. C'est le moment de l'interview mise en lumière. Interview mise en lumière, vous en avez donc l'habitude, c'est le moment où notre invité nous fait un petit peu ses petites recommandations culturelles, personnelles, vous savez qu'on en raffole chez Lumière et dans l'émission. Alors première question, quel est le dernier livre que vous avez acheté, ou à défaut le dernier livre peut-être que vous avez lu, vous avez le choix, dites-nous tout. Alors j'aime les livres, donc j'ai besoin de les acheter, j'ai besoin de l'avoir en main. Donc il s'agit d'un ouvrage assez récent, c'est Les Belles Promesses de Pierre Lemaître. Voilà cette deuxième tétralogie, oui, qui nous donne toujours un coup de projecteur sur une époque avec un œil aussi un peu décalé, un peu moins enjolivé, on va dire, et puis un style aussi avec beaucoup d'humour, d'ironie, beaucoup de rebondissements, donc c'est un vrai plaisir de lire Pierre Lemaître. Est-ce que vous avez une exposition, un spectacle vivant que vous aimeriez recommander à nos auditeurs ? Alors on en a un petit peu parlé dans l'émission, de futurs spectacles qui vont avoir lieu à Nancy, ou une exposition que vous avez appréciée récemment ? Oui, je voudrais dire quelques mots sur Terra Lorena qui repropose un spectacle cet été au château de Fléville. Alors pour ceux qui l'ont vu l'année dernière, sachez que c'est un nouveau spectacle hein, qui sera complètement différent. On sera dans une autre époque puisque il s'agira de d'évoquer à travers ce spectacle au château de Fléville Stanislas, l'exil d'un roi et la naissance d'un duc. Donc avec à la fois son et lumière sur ce magnifique château de l'époque Renaissance, mais également une troupe de plusieurs dizaines voire centaines de bénévoles qui voilà sont costumés et qui vous vraiment plongent dans cette là pour le coup dans cette histoire de Stanislas. Donc c'est vraiment un spectacle immersif. Donc avant le château de Fléville l'année dernière, il y a déjà eu Neuf Châteaux avec Jeanne d'Arc, il y a déjà eu Saint-Nicolas, la basilique de Saint-Nicolas de Port, Metz également. Donc c'est un spectacle qui nous replonge aussi dans l'histoire régionale et avec beaucoup de talent, d'écriture, de mise en scène et un magnifique engagement des nombreux bénévoles pour ce beau spectacle. Une petite transition toute trouvée et néanmoins imprévue, puisque Terra Lorena, vous allez très rapidement en entendre parler chez Lumière. Gilles, est-ce que tu souhaites en dire un mot où on laissera la joie aux lecteurs et aux suiveurs des réseaux sociaux de découvrir ça dans les prochains jours, prochaines semaines? Je pense qu'on va leur laisser la petite surprise. C'est un événement magnifique et vraiment merci d'avoir évoqué voilà, ce spectacle en sélection. Enfin, la billetterie est ouverte, venez nombreux. Voilà, mais bon, on vous promet une petite surprise. Le dernier film que vous avez vu ou que vous êtes allé voir au cinéma. Alors, on ne sait jamais si l'invité fréquente les salles obscures ou pas. Peut-être qu'il regarde les films depuis chez lui, sur les plateformes ou autres. Alors, je demande, quel est le dernier film que vous avez vu, si possible au cinéma, sinon dans votre canapé ou ailleurs? Alors, effectivement, j'avoue, je vais assez peu au cinéma. Mais là, le dernier, mais je le regarde à la télé. Là, il s'agit d'un film d'Almodovar qui c'était pas plus tard qu'il y a quelques jours. Douleur et gloire. Ah, oui. Voilà, on est dans le cadre du Festival de Cannes. Il y a cette rétrospective sur Almodovar qui, voilà, un réalisateur un peu à part, effectivement, qui aussi. Très riche dans le sens où il y a à la fois sa sensibilité personnelle, il y a aussi le contexte aussi du développement du cinéma, la Movida en Espagne, après Franco, etc. Et puis voilà, j'aime la culture espagnole aussi. Donc voilà, et ce film, voilà, je l'avais pas vu quand il était sorti, donc c'était l'occasion de le voir à la télévision. Très beau film, c'est peut-être son film le plus personnel d'ailleurs, Pedro Almodovar. Une série ou, voire et, si possible, un documentaire à nous recommander. Alors, on va s'éloigner de Nancy. Ah. J'ai vu récemment un documentaire sur... je crois que c'est sur la chaîne Histoire, mais j'avoue que j'ai un petit doute. En tout cas, c'était sur la Rome antique et c'est un travail formidable réalisé par l'université de Caen qui a travaillé pendant... plus d'une décennie en fait sur la reconstitution historique de Rome à l'époque antique et si mes souvenirs sont bons plus spécifiquement sur les premiers siècles hein, premier deuxième siècle c'est pas plus ancien en tout cas l'âge d'or de Rome finalement avec un travail à la fois historique et technologique pour la reconstitution qui est incroyable et à travers ce documentaire on se replonge dans cette ville dans cette époque et comme j'ai eu le plaisir d'aller visiter Rome en fin d'année dernière, c'était pour moi intéressant de retrouver ce documentaire. Et une série? Est-ce que vous êtes amateur de séries? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais ça peut... On demande. Il est tout à fait possible de répondre, je ne sais pas, à ces questions. Quel est pour finir, votre dernier coup de cœur musical? Alors, ça peut être un morceau, ce peut être un album que vous écoutez en boucle ces temps-ci. Voilà, niveau musical, est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander? Bien qu'on ait déjà une playlist bien fournie dans cette émission. Écoutez, là, dernièrement, j'ai pas eu de coup de cœur particulier. C'est vrai que autant j'aime la musique, mais je suis pas forcément les actualités. J'ai des musiques plus ou moins anciennes que j'écoute, mais j'ai des choix très éclectiques. En fait, j'écoute la musique classique, j'aime la musique électro, j'aime la variété française. C'est selon l'humeur du moment, en fait. Quand j'ai besoin de me poser, de me détendre et d'être un peu dans ma bulle, je vais mettre de la musique classique. Quand j'ai besoin d'exprimer des choses, sur la musique électro m'aide beaucoup. Il y a plein de ressentis intérieurs en fait qui s'expriment, on va dire. Voilà, Archive, Feder sont des artistes que j'aime beaucoup. Voilà, pas coup de cœur particulier, mais voilà des choses très éclectiques selon l'humeur du jour. Et nos auditeurs pourront réécouter les morceaux que vous avez proposés dans cette émission. On va s'en écouter un dernier dans quelques instants, mais on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Alors j'aurais aimé rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais il va falloir rendre l'antenne. Je tiens à remercier Vincent Dubois ainsi que mes trois acolytes, Gilles, Nuncia et Jean-François, merci à tous les quatre. Si après une émission pareille, vous n'avez pas envie de découvrir la belle métropole de Nancy, ses environs, à pied ou à vélo, et bah, ma foi, je sais pas ce qu'il vous faut, hein, finalement. Je vous rappelle que l'émission est à réécouter sur le site de Fadjet, sur notre site internet Lumière en Art et sur les réseaux sociaux de Lumière en Art, les deux pages Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, ainsi que sur les autres réseaux sociaux. Sortez, baladez-vous, cultivez-vous à Nancy, dans ses environs ou ailleurs. Nous, on va se retrouver le mois prochain pour une émission musicale. Je ne vous en dis pas plus, finalement. Le dernier morceau, Vincent, pour conclure, alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je crois que c'est Grand Corps Malade, c'est bien ça?